personne peut nous contrôler. On t'emmène dans la vague, personne peut se contrôler. Sapé en faux Versace. T'as pas de tout, t'es pas le seul. Tes potes sont tous des rageurs. Ils calculent ma life, ils calculent ma life. Ils ont seum, ils font mal à la tête. Pas les mêmes problèmes, pas la même sasème. J'dois faire peur vu qu'ils ont la haine. Donner, trop donner. Je ne peux que reconnaître. Soirée, plein d'ennuis. Non, ça très peu pour moi. Sur qu'on traîne la night, personne peut nous contrôler. On t'emmène dans la vibe, personne peut se contrôler. Contrôler, contrôler, personne peut se contrôler. Contrôler, contrôler, personne peut se contrôler. Minuit, l'heure du crime, l'équipage est de sortie. Laisse les s'entretuer, on vient, on fait taf, c'est plié. Suis la vibes, elle est fluide. Moi j'aime pas les complications. Fais ta vie, j'fais la mienne. En soi y'a pas d'obligation. Donner, trop donner. Je ne peux que reconnaître. Soirée, plein d'ennuis. Non, ça très peu pour moi. Bien sûr qu'on traîne la night. Personne peut nous contrôler. Contrôler, contrôler, contrôler. Personne peut se contrôler. Contrôler, contrôler. Personne peut se contrôler. Bien sûr qu'on traîne la night. Personne peut nous contrôler. On t'emmène dans la vibe. Personne peut se contrôler. Personne ne peut se contrôler.